Sortie culturelle. Les Bouquins d'abord vous présentent Sortie culturelle au Salon international du livre de Québec. Bienvenue à la sortie culturelle au Salon du Livre. Vous êtes en compagnie de Barbara Henk et de ma co-animatrice Julie Collin. Bonjour, bonjour Julie. Bonjour Bardel. Aujourd'hui, on reçoit Mireille Gagné, Jean-Jacques Pelletier, Mélissa Véro, Sandra Dussault, Dave Noël, Jean Désy, Jonathan Livernois. On va parler de poésie, de polar, de recueil de nouvelles, d'essais. De jeunesse, d'essais. C'est que c'est vraiment une émission pas mal complète. Moi, je dirais, on fait tout de suite une petite pause musicale et on vous revient avec Mireille Gagné. Toujours avec Barbara Henk à la sortie culturelle au Salon du Livre. D'ailleurs, si vous êtes proche, venez nous voir. Sinon, restez à l'écoute à CKRL. Je suis en compagnie de Mireille Gagné. Bonjour Mireille. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Merci. Je t'ai invitée pour deux livres. On n'a pas beaucoup de temps. D'abord, le recueil de poésie Minuit moins deux avant la fin du monde, où tu racontes vraiment la veille de la fin du monde, du pré-apocalyptique, je dirais. Oui, oui, oui. C'est pas mal ça, hein? Et pour le syndrome de Takotsubo, qui est un recueil de nouvelles qu'on a encensé à l'émission, on avait vraiment, on était trois à l'avoir adoré, où c'est quoi le Takotsubo? C'est le syndrome du cœur brisé. Exactement. Et on commence avec lequel? Hein? On commence-tu avec la Vous poésie? Vous choisissez, OK. Allons-y. Bon, Mini moins deux, avant la fin du monde, pourquoi ça me semble être, dans ton cas, t'aimes ça raconter des histoires en poésie? Oui, exactement. Ben, je suis très conceptuelle. OK. Donc, j'avais commencé à écrire quelques poèmes, puis quand je suis tombée sur l'horloge de la fin du monde, je me suis dit... Ah, c'est ça. C'est tellement ça. Tu sais, je sentais l'effervescence, le tic-tac, je le sentais dans l'écriture, dans ce qui sortait. Puis quand je l'ai associé, ça s'écrit tout seul. C'était du bon matériel. Là. Parce que c'est une vraie horloge, là, je l'explique ouais. rapidement. Là. C'est des scientifiques qui ont établi cette horloge-là pendant la guerre froide. Puis c'est une analogie, en fait, du décompte vers la fin du monde. Puis qu'est-ce qui est intéressant, c'est juste avant de sortir mon recueil, on était à minuit moins 2 et 30 secondes. Et avant de partir en impression... Je pense une semaine ou deux, l'horloge a été devancée. On était à deux minutes. J'ai dit, ben voilà, je suis dans le futur. On est vraiment dans le présent. Ah, ouais, ouais. Ça, c'est hallucinant. En tout cas, moi, je le conseille à tout le monde. Et le syndrome de Takotsubo, là, comment tu as construit ce recueil-là? Parce que c'est un recueil de nouvelles, mais il y a aussi... Bon, il y a beaucoup de poésie là-dedans. Il y a toujours tes petites phrases qui précèdent chaque nouvelle. Comment tu as construit ça? J'avais quelques nouvelles décrites. Il n'y avait pas nécessairement de fil conducteur. Puis mon frère m'a raconté une histoire du syndrome du cœur brisé. En fait, c'est un de ses collègues qui a eu le syndrome du cœur brisé. Il m'a expliqué ça. J'ai tellement trouvé ce matériel-là intéressant. Je suis allée faire des recherches. Je me suis rendu compte que même dans mon premier recueil de nouvelles que j'avais fait pour adolescents, il y avait des nouvelles sur le cœur. Donc, le cœur était une partie vraiment présente dans mes symboles. Donc, ça a été facile après ça de découvrir des personnages, de creuser. Takotsubo, qui signifie piège à pieuvre, c'est comme une partie du cœur qui grossit puis qui explose, en fait. C'est déjà pas vraiment un syndrome biologique qui existe. C'est comme un des seuls liens qui existerait entre l'émotif et le corps, une réaction vraiment physiologique. Donc, je suis allée creuser là-dedans. Je suis allée creuser dans l'histoire des Japonais au Canada aussi, par rapport à Hiroshima, Nagasaki, quand c'est sauté, qu'est-ce qui s'est passé, comment on a traité ces personnes-là, le cœur brisé aussi. Donc, les personnages sont apparus D'eux-mêmes. Il y a des nouvelles que j'avais déjà écrites. Je me suis rendu compte que ça allait bien. Je changeais un petit peu la finale, mais on dirait qu'il était fait pour arriver avec cette essence-là. C'est drôle, hein, quand il y a comme un fil qui arrive puis que c'est clair, clair, clair. Puis toutes les nouvelles se sont greffées les unes après les autres avec des personnages interreliés, tout ça. C'est fou, hein? Comme dans ton recueil de poésie, ça ressemble. Ça fait que toi, dans le fond, ce que tu fais, c'est écrire et à un moment donné, il y a le sujet qui s'impose et... Exact. C'est vraiment ça? Mais j'ai de longues périodes où j'écris moins, puis on dirait que ça s'écrit, ça se travaille en dessous. C'est le vraiment les ficelles qui L'écriture en marchant. Exact. Certains auteurs parlent comme ça. Qui se lit. Puis quand ça arrive, c'est comme un chemin tracé. Là. C'est vraiment une autoroute. Je me dis, OK, il faut que je fonce. Puis je sais, il faut que j'aille rapidement. Si je ne veux pas couper ce fil-là, là, il faut vraiment que je travaille rapidement et fort là, pour vraiment arriver à sortir. As-tu un lien avec le Japon? Parce qu'il y a quand même plusieurs nouvelles qui jouent au Japon. Et bon, moi, je suis jamais allée au Japon, je le sais pas. Mais c'est drôle, parce qu'on dirait que je me laisse aller. Fait que, j'ai vraiment regardé... Takotsubo, c'est un mot japonais. Oui. Donc, je me suis dit, OK, l'histoire des Japonais, c'est intéressant. On m'a souvent comparé que j'écrivais la poésie très minimaliste, un peu comme le haïku. Donc, j'ai rajouté les haïkus. Je suis allée, puis je me suis vraiment laissée glisser là-dedans. Puis ça a donné ça. Moi non plus, je suis jamais allée au Japon. J'aimerais beaucoup y aller depuis que j'ai creusé un peu plus. Ça m'intrigue, ça m'intéresse. J'avais écouté aussi des reportages sur le Japon. T'sais, c'est vraiment comme ça, le sexe autour du monde au Japon m'avait vraiment intriguée. Donc, il y a une nouvelle c'est vrai, qui est basée hein, là-dessus. C'était vraiment quelque chose. Oui, mais c'était une bonne série, ça. Il y avait tous les pays, je me rappelle, mais particulièrement le Japon m'avait intriguée. Un quelque chose de différent d'ailleurs. Est-ce que c'est parce qu'il habite sur une île? Moi, je me suis dit, moi, je viens d'une île aussi. Oui. Il y a comme plein de ficelles qui arrivaient. C'était comme évident d'aller là. J'ai foncé. J'aimerais bien y aller, par contre. Là, oui, hein? Ah, oui. Tu racontes des histoires de toutes sortes et qui ne sont pas nécessairement tristes. Parce que là, on se dit, le cœur brisé, ça peut être quand même très triste. Et non, c'est pas un livre où on se met à pleurer. Mais j'essaie toujours, dans mes écrits, qu'il y a une part de lumière. C'est pas nécessairement la lumière qui arrive en premier. Le matériel, le plus facile à creuser, c'est sûr, c'est la faille. On creuse. Il faut creuser assez loin pour réussir à voir la lumière apparaître après. Mais c'est un travail... Je fais vraiment attention. Je réfléchis longuement à ça pour justement que ce soit pas triste et qu'on ait une certaine légèreté. La légèreté est importante pour moi, de ressortir plus léger à la fin qu'au début. Parce que même une que je trouvais, cette jeune femme qui ne peut pas tomber enceinte, qui est quand même, c'est un sujet en plus de très grande actualité. Hein? Il y a tellement de femmes qui voudront bien et qui n'y arrivent pas, qui est quand même assez grave. Et ça finit quand même sur une lumière, je dirais, parce qu'il y a comme un espoir. Oui, c'est important. Hein? Les petites phrases que tu glisses entre les nouvelles, tu les crées après la nouvelle ou c'est des phrases qui arrivent et la nouvelle s'ensuit ou comment tu as travaillé ça? J'avais pas mis de haïku au départ. Okay. Donc, quand j'ai retravaillé, j'ai installé les titres. J'avais même le défi, je suis allée plus loin. Là. J'avais calculé le nombre de cœurs qui brisent dans le recueil au complet. Donc, j'avais inscrit cœur numéro 1, 2, 3. Ouais. C'était très précis. J'ai essayé de desserrer un peu. Je me suis rendu compte qu'il manquait quelque chose. J'aime la poésie. Je suis allée dans la poésie. J'ai essayé plutôt de créer comme une genre d'énigme qu'on doit résoudre avant ou après la nouvelle. Ouais. Donc, c'est un peu comme ça que j'en suis arrivée. Écoute, on peut te rencontrer au Salon du Livre aujourd'hui, je suppose. Tu seras aussi ici samedi dimanche. Donc, quand vous rentrez au Salon, à votre droite, chez Dimédia, posez la question chez Sémaphore. Est-ce que tu vas signer aussi chez Hexagone? Non, pas cette année. J'ai signé l'an passé, mais mon livre est là pareil. Parfait. Merci, Mme Gagné. Merci infiniment, vraiment. Bonne fin de journée. Sortie culturelle se poursuit. Julie Collin au microphone. Je suis accompagnée de Jean-Jacques Pelletier. Bonjour, M. Pelletier. Bonjour. Donc, vous êtes auteur, vous étiez aussi professeur de philosophie. Vous êtes quelqu'un de vraiment reconnu dans le milieu au niveau du roman policier. Donc, on va parler aujourd'hui de Radio Vérité, la radio du vrai monde, qui est un roman qui est basé... À la base, c'est une nouvelle. C'est ça, c'est une nouvelle, dans le fond, qui a été publiée quelques années. Oui, c'est une nouvelle que j'ai publiée il y a environ 10 ans. Et c'est une nouvelle qui m'avait été commandée par Alibi. Et à mesure que je l'écrivais, j'étais tout le temps en train de me dire, « Bon, j'aimerais rajouter tel personnage. » Puis là, je me dis, « Ben non, j'ai pas assez de place. » Ou « J'aimerais mieux développer les motifs, mettons, de la résolution. » « Mais non, j'ai pas assez de place. » Alors, en fait, de pas assez de place en pas assez de place, c'était... Bon, c'était une intéressante nouvelle, mais moi, ça me satisfaisait pas. Alors, récemment, j'ai décidé de la transformer en roman. Donc, Radio Vérité, en fait, la trame narrative, la base de l'histoire, c'est que il y a un chroniqueur, mettons, un animateur de radio... C'est un animateur de radio qui est enlevé. Ouais. C'est un animateur de radio assez contesté qui est enlevé par quelqu'un qui aime pas ce qu'il fait et qui décide de... Pour le libérer, il exige une rançon pour les victimes de son émission de radio et aussi la fermeture du poste. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, c'est un animateur assez controversé. C'est un animateur qui a des propos haineux en ondes. Donc, il goûte à sa propre médecine. Ben, un peu, oui, pendant le roman. Ben, il y a des claques qui se perdent, donc il reçoit des claques, des affaires de même. Non, c'est un terme, moi, que je trouve de plus en plus fascinant, le besoin de justice que les gens ont. Et quand ils ne croient pas aux institutions, quand ils ne font pas confiance aux institutions pour faire justice, la tendance à se faire justice soi-même peut être grande. Et là, ce qu'on fait à cet individu-là, finalement, c'est tout ce qu'il dit qu'il faudrait faire aux autres en nombre, bien, on lui fait. Mm. Alors, mais en même temps, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'on a tendance à être très manichéen, tu sais, les méchants animateurs de radio et les pauvres bonnes victimes. Et là, ce qu'on voit, c'est que les personnages ne sont pas aussi unidimensionnels qu'on pourrait croire. Le type, dans sa vie privée, c'est une personne charmante, attentif aux autres, etc. Et la personne qui fait ça, qui au fond le traite de façon assez violente, est une personne qui, a priori, je ne pourrais pas en dire beaucoup parce que je ne voudrais pas vendre toute l'intrigue. Non, on ne vendra pas le punch. mais c'est toute l'intrigue. Oui. Mais c'est une personne qui, a priori, est très loin de commettre des actes violents. Et c'est de voir le chemin qu'ils font pour finalement se croiser. Mmh. Parce qu'en fait, on porte un peu les deux à différents niveaux. Donc en effet, ça se passe en 2005. Pourquoi? Oui. Parce que la nouvelle avait été écrite en 2005 et que je voulais voir qu'est-ce que ça donnerait dans cet univers-là. Puis en même temps, c'était pour... Je voulais préserver un peu son côté prémonitoire parce que ce qui m'agaçait dans ce type de radio-là, qu'on tient beaucoup à identifier uniquement à Québec, mais qu'on retrouve partout. Oh oui. Je pense, entre autres, à Ottawa, il y a une station qui sévit depuis très longtemps, une station anglophone qui sévit depuis très longtemps, Howard Stern aux États-Unis. Les gens de la Floride, les preachers de la Floride, qui ont servi souvent de modèle à nos animateurs actuels ici. Alors, c'est vraiment un phénomène global. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que ce que j'ai décrit dans le roman, ce que j'ai commencé à décrire dans la nouvelle et que j'ai repris dans le roman, c'est ce qui se passe dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire, on aboutit à un type de rapport social où n'existe que l'amour inconditionnel ou le mépris total. Il n'y a plus de discussion possible. Et on observe ça dans les réseaux sociaux actuellement, les gens qui vont éliminer tous les gens qui disent qui parlent pas comme eux, de sorte qu'on se trouve dans un cercle social de répétition du même. Et là, le seul rapport qu'on a aux autres, c'est soit de les liker, soit de les sortir. Oui, on manque de nuances. Et autrement dit, il n'y a plus de terrain d'entente, de discussion. La vérité, les faits, ça n'existe plus. Alors pourtant, quand tu regardes dans l'histoire de l'humanité, il y a seulement deux façons de régler les problèmes avec les autres. On jase ou on cogne. Et pour jaser, ça prend un référent autre que lui ou moi qui nous permet de dire, oui, ça c'est vrai, j'ai peut-être manqué de logique là. Autrement dit, tu as besoin d'un critère à l'extérieur. Et ça, ben, si tu es tout le temps juste dans le même, puis ton seul réflexe est d'exclure les autres, ben, les autres, s'ils ne passent pas comme toi, ben, il y a deux raisons. Ou ils sont imbéciles, on va essayer de les éclairer, ou ils sont de mauvaise foi, on va les éliminer. Suite à votre roman, à toute fin, on a aussi une portion essai, une dizaine de pages, où est-ce que justement vous détaillez... Je détaille un peu ces raisons-là qui m'ont amené à reprendre. Ouais. Parce que il y a beaucoup de gens qui m'en avaient parlé de cette nouvelle-là. Puis quand j'ai vu se développer tout le côté... Les réseaux sociaux ne sont pas réductibles à ça, mais il y a un peu cette perversion-là des réseaux sociaux qui est en train d'exister. Alors je voulais, de façon... explicite, répondre à certaines questions ou à certaines objections que les gens m'avaient... ou surtout des questions que les gens m'avaient posées. Pourquoi prendre ça? Pourquoi c'est important de parler de ça aujourd'hui? Moi, je me pose la question, je retourne un peu en arrière. Le Québec a quand même une longue tradition d'arriver... ils ont plus tendance à jaser qu'à cogner, disons ça comme ça. Mm-hmm. Et là, on rentre dans quelque chose de mondial où c'est très polarisant. As-tu l'impression qu'ici, ça pourrait avoir un autre aboutissement? Il me semble que les Québécois ont toujours besoin qu'il y ait un consensus. Sinon, les choses n'avancent pas. On le voit aussi là, dans l'actualité, là, ça devient... Mais le consensus peut avoir deux effets très opposés. Il peut tout éteindre, parce qu'on ne veut pas lutter contre le consensus, ou tu trouves ton consensus, et là, tu peux devenir très violent contre ceux qui vont contre ton consensus, parce que là, tu penses que tu as trouvé le lieu de repos. Ouais. Et, c'est comme si, pour nous, je regarde toujours la réaction de beaucoup de Québécois face... Tu vois deux Français qui discutent, tu as l'impression qu'ils ne se parleront plus de leur vie, puis ils vont manger ensemble après. Ouais, les Allemands aussi, c'est comme ça. Ben, c'est ça. Alors, c'est ça, discuter. Oui. Et il n'y a aucun intérêt à discuter avec des gens qui pensent la même chose que toi. Ça, c'est le contraire du like, là, comme option, comme choix de pensée. Oui. Mais les gens intéressants, ceux qui peuvent t'apprendre des choses, c'est ceux qui ne savent pas ce que tu sais, mais qui savent peut-être un paquet de choses que tu ne sais pas et qui ont des points de vue différents. Ça fait que finalement, on aurait besoin de plus d'ouverture. Oui, une plus grande conscience du sens de ses limites, je pense. Ah, ça, c'est intéressant. Tu sais, autant c'est important d'être capable de référer à une vérité. Moi, je pense à l'absurdité, là, la ministre qui parlait de sa vérité, Rebel, qui parle de sa vérité comme s'il y avait des droits de propriété là-dessus, alors que le concept même de vérité implique que ça appartient pas à quelqu'un. Oui. Mais en même temps, la perversion contraire de ça, c'est... ben, la vérité, c'est moi qui l'ai. Oui, et de plus en plus, avec les réseaux sociaux, de plus en plus. Ben oui, mais c'est ça, s'enfermer dans une bulle. Et les algorithmes des grands distributeurs font en sorte que ce qu'on te propose, c'est on a vu que tu aimais ça, on te redonne du même. Alors, on t'enferme dans une grosse bulle de toujours la même affaire. Et toujours les gens qui pensent la même chose. Et plus ça se développe, plus tu es enfermé dans le même. Et pourtant, c'est les autres qui sont intéressants. Oui, c'est vrai, mais moi, je me dis toujours, quand je vois les articles sur, justement, des algorithmes, où je me dis, mais là, on n'a jamais été aussi conscient qu'on fonctionne en circuit fermé, parce que ça, c'est quand même pas nouveau. Il y a toujours eu des communautés qui se fermaient contre les autres. Et là, on nous le dit quand même. La différence, c'est qu'on a des communautés déterritorialisées. C'est-à-dire, avant, les communautés étaient géographiques, surtout, nationales. Bon. Maintenant, on commence à avoir des communautés qui échappent à tout territoire et qui peuvent, de ce fait, être plus grandes. Oui. Et de sorte que, sur l'ensemble des territoires, tu as des communautés de plus en plus opposées. Et ça peut créer des problèmes sociaux forts, des possibilités de heurts sociaux fort importants. Oui. J'ai une dernière question, parce qu'elle est... Il reste une minute à notre entrevue, ça passe super rapidement. Vous êtes réputé dans le milieu pour faire des plans qui sont à peu près aussi longs que les romans. Le plan de Radio Vérité, là. Non, il n'était pas... quand j'ai écrit Les gestionnaires de l'Apocalypse, qui fait à peu près 5000 pages, j'avais pas le choix de faire. Tu sais, c'est un roman de 1500 pages avec 200 personnages, tu as besoin d'un plan. Oui, dans ça, mais... Par contre, quand tu fais un roman comme ça, Bien, plus ça va, surtout depuis que j'ai commencé la série Bain de sang et toutes les aventures de Dufault, avec Deux balles, un sourire, puis le prochain. Bien, ça te permet de travailler avec des plans beaucoup plus restreints. Donc, pendant le Salon du livre, on peut vous croiser au kiosque d'Alire? Au kiosque d'Alire, oui. Êtes-vous en séance de signature aujourd'hui? Oui, à 13h et je pense aussi à 15h30. Parfait. Mais merci beaucoup, Jean-Jacques Pelletier. Non? 17h30. 17h30, parfait. Merci beaucoup, Jean-Jacques Pelletier. Bon salon à vous aussi. Merci. Toujours à l'écoute de la sortie culturelle de CKRL au Salon du Livre, à la porte intérieure. Nous sommes en compagnie de Mélissa Véro. Bonjour Mélissa. Bonjour. On va parler la deuxième fois de ce beau livre qui est Avec pas une scène. Ce sont des récits de voyage. Et est-ce que c'était ton initiative, ce livre-là? T'es la directrice littéraire? Oui. Du projet? En fait, l'idée originale n'est pas de moi, mais de Kevin Lavoie, qui est également un collaborateur et qui est un très bon ami de Juliana Léveillé-Trudel, mm-hmm. que plusieurs doivent connaître parce qu'elle est l'auteur derrière Nirlit. Oui. Kevin, qui n'est pas du milieu littéraire, qui écrit parce qu'il fait un doctorat, donc mm-hmm. il a une belle plume et tout, mais il avait cette idée d'un livre plus de fiction, vraiment davantage littéraire, et Juliana est à son amie, lui a parlé du projet. Elle-même s'est retournée vers moi pour me dire « Ah, je sais que tu as de l'habitude avec les collectifs, tu en as déjà fait plusieurs, est-ce que ça te tente d'embarquer? » D'accord, je les ai suivis là-dedans, et j'ai pris finalement le rôle de la direction littéraire, étant donné que j'avais déjà une certaine expérience à ce niveau-là. Et voilà, je me suis retrouvée à mener la locomotive, mais toujours avec Juliana et Kevin qui m'aidaient, qui ont été quand même là pour la direction artistique, je dirais. Oui. Donc, pour sélectionner les textes, ils ont fait des commentaires aussi au début avec les auteurs, des commentaires plus généraux sur le contenu. Donc, leur opinion a compté là, tout au long du projet également. Avez-vous approché des auteurs particuliers ou il y a eu un appel ouvert et vous avez choisi ce qui rentrait le mieux dans la thématique? Comment ça s'est passé? C'est nous qui avons approché les auteurs. On y est vraiment allé avec des coups de cœur, des gens qu'on connaissait, qui avaient déjà fait des voyages dont on avait entendu parler et on savait que ça pourrait être peut-être intéressant de voir ça mis par écrit. Il y a des gens qu'on a approchés qui nous ont dit gentiment « Non, je suis désolée, moi en fait je voyage pas tant que ça puis j'ai rien à dire. » On peut avoir l'impression que tout le monde voyage de nos jours, mais c'est pas vrai. Il y a des gens qui sont bien dans le confort de leur foyer et on ne peut pas leur en tenir rigueur. Donc, il y a des gens aussi qui voyagent, mais qui aiment bien le luxe. Pour eux, là, les auberges de jeunesse, c'est vraiment pas un trip. Et nous, on cherchait plutôt des histoires, comme le titre l'indique, oui. qui repose sur le fait qu'on est parti avec pas beaucoup d'argent. Parce que ce qui nous intéressait, c'était l'aventure que ça peut provoquer, finalement, le fait de voyager avec pas grand-chose en poche. Oui. Donc, c'est ça. On a approché différentes personnes, puis on a fini par monter cette belle liste de 14 collaborateurs. Il y a eu des variations au fil du temps, parce que ça je l'ai découvert un peu au fil de la direction du projet. Il y a les aléas de la vie, des gens qui doivent se retirer pour différentes raisons, il faut remplir les trous. Donc, il y a eu beaucoup de gestion humaine au-delà de la gestion littéraire à faire. Mais au final, on est vraiment contents de la liste de 14 beaux collaborateurs qui ont accepté d'être avec nous. Moi, j'ai découvert du monde de Jean-François Provençal, Carmel Antoine Bessard et Rodolphe... Comment tu prends ça? L'âme? Je crois, oui. Mon Dieu, j'ai jamais demandé à Rodolphe comment prononcer son nom. Rodolphe, si tu es là, viens nous voir et nous le dire, s'il te plaît. En tout cas, c'est pas parce que... Hein? Fait que moi, pour moi, il y avait... J'ai retrouvé des auteurs amis oui. que je suis depuis longtemps, mais en même temps, ça m'a fait découvrir. Ça, est-ce que c'était une volonté? Parce que je trouve le recueil thématique, il se prête quand même à oui, ça. Oui, absolument. Nous, on avait envie d'aller chercher des voix qui sortaient du giron proprement littéraire. Comme Jean-François Provençal, la plupart des gens vont le connaître pour son rôle dans le groupe Les Appendices. C'est ben un humoriste à la base, un comédien, un scénariste. Moi, je le connais il y a longtemps parce qu'on a étudié la création littéraire ensemble à l'UQAM jadis. Et j'avais justement entendu ses récits de voyage. Je savais que ça pouvait être très, très croustillant. Et je connaissais quand même son sens de la narration puisqu'il fait, il écrit dans la vie, mais de manière différente. Donc, on l'a convoqué exactement pour cette raison-là. Même chose pour Catherine Etier, qui est une fille de radio, une fille de télé, qui elle aussi écrit beaucoup, beaucoup, mais plus des chroniques d'humeur. Elle est connue pour ça, mais moi, je savais qu'elle avait une plume, qu'elle avait une verve, puis j'avais envie de lui donner une tribune littéraire. Je la connaissais aussi d'avant et je connaissais encore une fois ses anecdotes de voyage. Khadija Haïdara, celle qui ouvre le recueil. Oui. Elle écrit pour la télé. Habituellement, on la connaît pour ses séries comme Le Chalet. Ouais. Donc, c'est des gens dont on connaissait la plume, on connaissait l'esprit vif, mais qu'on n'a jamais lu nécessairement dans un recueil, dans une maison d'édition. Pour eux, ça a été des premières expériences, parfois un peu angoissantes, mais ça doit. Parce que c'est vraiment différent, écrire pour la télé ou écrire pour un roman ou une nouvelle, un récit. Donc, voilà. Puis comme Carmel que tu as nommée, elle, c'est une jeune auteure, en fait, de la relève que Juliana avait rencontrée dans un programme de parrainage. Puis elle avait beaucoup, beaucoup aimé sa plume. Elle s'était dit que ce serait le fun de lui donner une occasion de se commettre professionnellement. Donc, on a vraiment voulu y aller avec une variété de gens, d'horizons, de cultures aussi. En termes aussi de genre, on a hommes, femmes. On est vraiment 50-50. Ça, c'est la parité bien. Parfaite, n'est-ce pas? Oui, exactement. Non, ça, je l'avais remarqué. Et vous touchez à toutes sortes de sujets et surtout, vous faites voyager partout. Oui. Tu sais, c'est pas... ça aurait pu être juste l'Europe ou l'Amérique du Nord, non? Vous les faites envoyer partout. Voyager avec un enfant aussi. Oui. L'histoire d'Erika Soucy, complètement malade et avec un bébé dans les bras, c'est l'horreur. Oui, absolument. Oui, c'est comme un début d'enfer sur Terre. Oui. Mais oui, puis ça, c'est un beau hasard, en fait, parce que nous, la seule consigne qu'on a donnée aux auteurs, c'est racontez-nous un voyage où vous étiez dans un contexte de pas beaucoup d'argent. Et vous avez eu à dormir, entre autres, dans des endroits louches. Parce que vraiment, l'idée de départ, c'est ça. C'est où est-ce qu'on dort quand on n'a pas une scène? On dort sur des divans miteux, dans des auberges de jeunesse à partager des dortoirs avec 10 autres personnes. Généralement, ça vire mal. Des gares en Italie. Oui, oui, exactement. Ça, c'était... Des bancs de parc. Sur le bord de l'Arnaud. Exactement. Donc, c'était ça un peu la flamèche qu'on voulait allumer chez les gens. Mais à partir de là, on leur laissait carte blanche. On voulait pas trop les contraindre non plus. Et ça a donné qu'ils nous sont arrivés avec des histoires qui, effectivement, se passent partout sur la planète. C'est pas concentré en un lieu précis. On est vraiment autant en Amérique qu'en Asie, qu'en Europe. Et ça, ben c'est juste un beau hasard. On en est très contents. Avez-vous eu une rencontre, toutes les auteurs, ou ça passait tout, c'était toi comme le point culminant où tout arrivait? J'ai pas mal fini par jouer ce rôle de point culminant. Effectivement, c'était très difficile de réunir 14 personnes. Mmh. On a réussi à en réunir un peu pour le lancement. On avait pris une bière à un moment donné quelque part à l'été, mais plus que la moitié des collaborateurs, c'était dur. C'est des gens très occupés et qui sont dispersés sur le territoire également. Beaucoup qui continuent de voyager. Donc, Rodolphe, qu'on a nommé tout à l'heure, lui, on est allé chercher entre autres parce qu'il écrit des guides de voyage. Et en plus d'être un romancier, on trouvait ce point de vue-là vraiment intéressant. Mais en gros, il est parti la moitié de l'année pour aller écrire des guides de voyage. Donc, c'était difficile de l'attraper. Ouais. Olivier Sylvestre, qui est toujours parti sur l'Ago, est encore en Europe en ce moment. Là, cet été, il s'en va en Gaspésie. Et quand il est là, il fait du théâtre, il fait c'est ça. On est allé chercher des gens vraiment très, très, très occupés. Ce qui doit prouver qu'ils ont une certaine qualité, j'imagine, oui, n'est-ce pas? Absolument. Ils sont en demande. Absolument. Écoute, Mélissa, ce recueil est paru chez Québec Amérique. Est-ce que certains auteurs vont être là pour signer? Oui, absolument. En fait, c'est prévu qu'on soit là demain. Si je ne m'abuse, c'est à 16h, donc au kiosque de Québec-Amérique. Je sais qu'il y aura Jean Désy, il y aura Paul Kazak, il y aura moi et peut-être d'autres personnes qui vont se présenter de façon un petit peu plus impromptue. Donc, on sera là, on vous attendra. Merci, Mélissa Vérouse. Très gentil d'être passée. Merci de votre accueil. On va partir en pause publicitaire et on vous revient. Sortie culturelle. Vous aimez les romans historiques, alors que vos amis préfèrent la science-fiction et d'autres ne jurent que par les essais et la littérature québécoise? Venez rencontrer vos auteurs préférés. Sous la présidence d'honneur de Yasmina Kadra, ils sont plus de 1200 et vous invitent au Centre des congrès de Québec. Le Salon international du livre de Québec, du 10 au 14 avril. De la BD sur scène, du 6 au 14 avril prochain, le Festival Québec BD vous invite à découvrir plusieurs spectacles alliant le 9e art à la poésie, au théâtre, à la musique et au burlesque. Curieux? Découvrez toute la programmation au québecbd.com. Du 4 au 14 avril, découvrez le Pop numérique, un nouvel événement grand public qui se tiendra à la Bibliothèque de Québec dans le cadre de la 4e semaine numérique. Au menu, ateliers pratiques pour les aînés ou ludiques pour la famille, conférences sur les enjeux de l'heure, projections, expositions, démonstrations de robots et plus encore. Profitez de l'événement Pop numérique pour apprendre et expérimenter. Pour connaître les détails, visitez lepopnumériqueuc.ca. À la librairie Pantoute, les livres sont testés sur des libraires. Ce mois-ci, Isabelle, de la succursale de Loretteville, vous suggère « Nous sommes là » d'Oliver Jeffers aux éditions Kaléidoscope. L'auteur nous charme avec ses histoires simples, drôles et intelligentes. Ses illustrations colorées nous expliquent ici la nature dans son ensemble. Un livre à offrir à tous les nouveaux parents. Et Stéphane, de la succursale de Saint-Roch, vous propose « Felipe, une légende dominicaine » de Peter Kerazotis aux éditions Urtubiz. Ce livre nous montre la vie abracadabrante de Felipe Alou, notre monsieur baseball à nous. Un parcours passionné et passionnant à dévorer pour faire passer l'hiver. La librairie Pantoute, une librairie indépendante, des libraires passionnés et plus de 50 000 titres à vous proposer. 1100 rue Saint-Jean et 286 rue Saint-Joseph-Est. Ouvre la porte. Faut que tu m'écoutes. Ouvre. J'ai pas les clés, c'est eux. Qui eux? Ben eux, de l'autre bord de la porte. What the fuck, eux? Qui pourquoi ils feraient ça? Mais d'après moi, ils entendent que ça se passe pas comme prévu. Ils entendent pas grand-chose considérant le nombre de mots qui sont sortis de ta bouche. Ou peut-être qu'ils nous laissent un peu d'intimité, peut-être qu'ils pensent qu'on fait l'amour. Je dis juste... Ta gueule, mon père nous a enfermés ici. Non, peut-être ta sœur aussi. Mon père et ou ma sœur nous ont enfermés dans le salon, c'est ça que tu me dis? Le Théâtre Premier Acte, en collaboration avec la Caisse des Jardins de Québec et le collectif Cognac, présente Embargo, du 2 au 13 avril prochain. Pour information ou achat de billets, visitez lepremieracte.ca. Sortie culturelle. Les Bouquins d'abord vous présentent Sortie culturelle au Salon international du livre de Québec. L'émission Sortie culturelle en direct du Salon du livre de Québec se poursuit avec aujourd'hui Sandra Dussault. Bonjour Sandra. Bonjour Julie. Donc, on va voir aujourd'hui le programme, un livre lauréat de la Ville de Québec. Effectivement. C'est tout frais quand même comme décision, ça fait quelques semaines quand même ça a été annoncé. Donc, le programme. Et on parle aussi de Justin et les Malcommodes. Le deuxième tome a paru il y a peu. Tu es ici pour ça. Oui. Donc, quel livre tu veux commencer? Hein? On peut commencer par le programme. Par le programme. Donc, dans le programme, c'est spécial. Je ne sais pas comment le résumer, à la limite. J'en parlais justement hier avec quelqu'un, puis c'est difficile justement de le résumer sans voler le punch. Là. Ouais, donc, c'est on peut parler de la première partie, mais okay. À un moment donné, on peut plus. OK, je te laisserai aller, putain. OK. Pour ça, je l'ai très lu, hein, tu le sais, mais je te laisserai aller, juste au cas où je désirais un punch. OK. Donc, c'est l'histoire de Victor qui commet un crime et qui prend la fuite pour ne pas se faire prendre par les autorités. Il vole une voiture, puis il se retrouve en pleine nuit, en dehors de la ville, dans des chemins de terre, chemins de campagne, se retrouve dans une espèce d'érablière. Et il faut dire que ça se passe en 2073, donc dans un avenir pas si lointain, mais où il y a certaines modifications, surtout au niveau de l'environnement, la nature, tout ça. Les arbres sont malades, les forêts sont vraiment plus ce qu'elles étaient. Il n'y a plus de sirop d'érable. Il n'y a plus de sirop d'érable, c'est mentionné d'ailleurs dans l'histoire. Ça, c'est dramatique. Oui. Il sait ce que c'est parce que sa mère, elle, en a déjà mangé du vrai. Mais maintenant, à ce moment-là, il y a seulement une espèce de concentré synthétique là, qui goûte à peu près le sirop d'érable. Puis bon, enfin. Bref, ça fait pas du tout partie de l'histoire. Mais donc, il se retrouve dans cette érablière en pleine nuit, dans la voiture. Il passe la nuit là et le lendemain matin, il repart, il reprend le chemin de terre parce qu'il veut pas retourner vers la ville. Et il rencontre deux gars qui arrivent avec une carriole, un cheval, puis qui ont l'air même pas surpris de le voir là. Ils lui disent « Viens avec nous autres, on t'amène, on a un endroit où tu vas pouvoir te réfugier. » Puis ils ont comme l'air de savoir qu'est-ce qu'il fait là, mais lui, il comprend vraiment pas. Et comme il est coincé, il peut pas retourner en ville, ben il décide de les suivre. Et il se retrouve dans une espèce de communauté. Il y a des cabanes en bois. Il y a ce sont une trentaine, surtout des gars. Il y a seulement trois filles. Et c'est assez organisé. Il y a des tâches quotidiennes pour chacun. Chacun, c'est ça, fait sa place. Mais ce sont des jeunes un peu violents. Donc, il y a toutes sortes de tensions, des chicanes. Ça brasse pas mal. Ça brasse pas mal. C'est ça d'en dire plus, hein? Ben c'est ça, là. À partir de là, c'est difficile. Oui, ouais. Puis c'est un livre dans lequel on l'abarque vraiment facilement, qu'on lit jusqu'au bout. Et une chose que j'ai vraiment beaucoup aimée, c'est qu'à la fin... toutes les réponses sont là. C'est ça. Ben, ça arrive des fois, des romans, où est-ce que là, tu vas peut-être poser une question un peu plus tôt. Ça a été utile à un certain moment, mais ça a été abandonné, finalement, par l'auteur. On ne sait pas pourquoi. Puis, on arrive à la fin, on se dit, j'ai toujours pas eu de réponse pour ça. Ouais. Et toutes les réponses se retrouvent à la fin du roman. Ça, c'est vraiment super. Là. C'est satisfaisant aussi pour un lecteur de bien comprendre à la fin. Ben, ce que je voulais, mon but premier en écrivant ce roman-là, c'était de trouver... c'était d'écrire une histoire où il y aurait une espèce de revirement à la fin qui nous fait, pas douter, mais qui nous fait relire le début de l'histoire sous un autre angle. Il y a des petits détails qu'on a lus, mais qui nous ont apparu vraiment anodins. Puis là, on y repense, puis on dit « Ah, c'est pour ça! » Puis vraiment un point tournant dans l'histoire où, là, c'est ça, il y a vraiment un changement dans la vision de l'histoire. C'était un peu comme ça que je l'ai écrit. Puis tout ce que j'écrivais, ben c'était dans le but d'en arriver à ce point tournant-là. Donc, je pense que j'ai bien réussi. Oui, t'as bien réussi. J'ai une petite question. Moi, ce qui m'avait évoqué beaucoup, c'était des livres que moi, j'ai lus jeunes, comment ça s'appelle en français? Le Roi des Mouches? En tout cas, tu sais... Sa Majesté des Mouches. Sa Majesté des Mouches. Tu sais, c'est vraiment une société de jeunes qui se forment et qui, finalement, réinventent pas tant de choses que ça. Non, ben non, parce que c'est ça, c'est toujours le plus fort qui essaie de prendre le contrôle sur les autres, qui essaie de rabaisser les petits nouveaux... Donc, oui, c'est pas mal dans cet esprit-là. Oui. Et je trouvais aussi que c'est à la limite d'être un roman adulte. Mm-hmm. Parce que moi, ça m'a pris... S'il n'y avait pas eu le dessus que c'était une présélection pour le prix des libraires jeunesse, je l'aurais lu comme un livre adulte. OK. C'est ça s'adresse à quel âge? Ben c'est 14, 15 ans et plus, là. Ça brasse pas mal. C'est ça, hein? Oui, il y a des scènes un peu crues aussi, là. Ça peut être difficile à lire pour certaines personnes, effectivement. On m'a dit que la scène du chien était pas facile à lire. Non, mais moi, je suis sensible, vraiment très sensible par rapport... Dans mes lectures, je veux dire, très sensible, c'est connu. Puis j'ai pas eu de difficulté à lire. Ah, c'est un livre dans lequel on embarque... On dirait qu'il n'y a pas rien de gratuit. C'est non. Quand c'est pas gratuit, ça se lit mieux aussi. Exactement. Il est pris là-dedans, puis c'est ça, il peut plus s'en sortir. Là. Une affaire aussi qui est le fun dans ton roman, c'est que il y a un personnage féminin qui est très fort aussi. Ouais. Ça aussi, j'y tenais vraiment beaucoup. Je voulais qu'elle soit la chef de la gang. C'est elle qui mène, puis elle brasse les gars. Là. Elle n'est pas tendre avec eux autres. Même qu'à un moment donné, on se demande c'est qui elle, puis qu'est-ce qu'elle fait là. Puis à la fin, on comprend. Oui, on comprend. Après. Puis on ne le dira pas là. Non, on ne le dit pas. Donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment à lire. C'était... Mettez-le au programme. Oui, aussi. Parce que c'est vraiment une lecture, moi, je trouve que... universel. Mm-hmm. C'est, je sortirais ça même du créneau jeunesse. Ouais. Ouais, moi aussi. Mais j'ai une enseignante qui m'a écrit cette semaine, une enseignante d'une école secondaire. Je ne sais pas quel niveau, par contre. Mais elle m'a dit que ses élèves avaient peur des gros livres. Puis après avoir lu le programme et la cache, là, ça les a débourrés. Là, puis là, ils peuvent lire maintenant des gros livres. Donc, c'est vraiment un beau compliment. Ouais. Moi, c'est mon but, surtout au niveau des garçons. Moi-même, j'ai un garçon, j'ai un grand ado, puis je l'ai toujours fait lire, là, évidemment. Il y a une petite pause depuis qu'il y a un cellulaire, là. Mais il lit sur le cellulaire aussi, Il lit sur le cellulaire, c'est sûr, c'est sûr. Puis il lit en anglais beaucoup à cause de ça. Sur Internet, il y a beaucoup de choses en anglais. Mais c'est ça, mon but, c'est de faire lire les garçons. Puis avec ce genre d'histoire-là, je pense que ça peut vraiment les attirer. Oui. Donc, dans un autre registre, complètement. Complètement. Justin les Malcommodes. Oui. Ça reste vraiment un public beaucoup plus jeune. Oui. Celui-là, tu le qualifierais de quel âge environ? Celui-là, c'est un 9-11 ans, je dirais, là, okay. Avant le secondaire, là, c'est certain, certain. Bien, le petit garçon est en troisième année, Justin. Donc, c'est à peu près ça. 8. Oui. À partir de 8 pour les bons lecteurs. Oui, c'est ça. Oui. Oui. Justin, c'est qui est Justin? Oui. Ben oui, qui est Justin? Alors, Justin, c'est un petit garçon un peu lunatique qui prend l'autobus un matin. Mais là, je vous raconte un peu le premier tome pour mettre l'histoire en contexte. Donc, il prend l'autobus un matin, il se trompe d'autobus. Il regarde pas dans lequel il monte. Et il se retrouve avec une gang de personnes âgées qui ont décidé ce jour-là d'aller faire une sortie en forêt. Mais ils sont pas organisés du tout. Ils ont rien apporté. Ils ont pas d'eau, pas de nourriture. Ils ont pas amené leurs médicaments. Donc là, ils se font débarquer au milieu de nulle part. Et ils sont un peu... au départ, ça les dérange pas. Ils sont bien de bonne humeur. Mais là, ils se rendent compte, bon, c'est ça, ils commencent à avoir faim. Ça commence à aller moins bien. Et Justin les prend en charge, lui qui est un scout. Il leur trouve de la nourriture, il leur trouve de l'eau et il décide de les ramener à la civilisation. Parce que là, l'autobus est reparti, évidemment. Et donc, il les prend en charge, puis c'est lui qui va les ramener. Et il va se passer toutes sortes de petites aventures. C'est des courts chapitres avec toujours un punch dans chaque chapitre. Et c'est très rigolo, c'est très drôle. Et celui, donc, qui est sorti la semaine dernière, le tome 2, ça se passe cette fois-ci dans un parc d'attractions. Donc, Justin, encore une fois, déjeune un matin tout tranquille chez lui et il a fait sa planif pour la journée. Là, c'est vraiment tout organisé et ça cogne à la porte. Et c'est une des personnes âgées, un vieux monsieur, qui lui dit vite, vite, viens-t'en, on part. Et il ouvre la porte et le même autobus est encore stationné devant la maison. Et donc, Justin embarque avec ce vieux monsieur qui l'amène cette fois-ci dans un parc d'attractions, mais un vieux parc d'attractions qui est sur le point de fermer. C'est vraiment la dernière journée d'ouverture. Et c'est le parc d'attractions où les vieux allaient quand ils étaient petits. Donc, pour eux, c'est magnifique, c'est fantastique, mais tout tombe en ruine. C'est pas génial. Donc, Justin, il comprend pas trop qu'est-ce qu'ils font là, mais il embarque quand même avec eux. Puis, ben encore une fois, il se passe toutes sortes de petites choses tout au long de l'histoire. Puis, c'est ça, c'est drôle. Donc, on est dans le lien aussi entre les générations. Oui, exactement, c'est ça. Parce que au départ, dans le premier tome, il les traite de vieilles personnes, de vieux grincheux. Avec tous les clichés là, qu'on connaît. Et tranquillement, pas vite, il s'en fait des amis. Il devient ami avec eux. Tout en continuant de se moquer d'eux un petit peu aussi. Oui, forcément, c'est ça qui est drôle aussi. Puis, tu sais ça, il y en a un qui a oublié de mettre son dentier ce matin-là, un autre qui a des poils dans le nez, il y en a une qui a les cheveux roses. Donc, c'est ça, c'est chacun a sa personnalité aussi. Il y en a un qui est effectivement très vieux, grincheux et qui chiale contre tout. Puis, donc, voilà. Comment t'es venue l'idée pour cette série-là? Ah, ça, quand on me pose cette question-là, je sais jamais quoi répondre. Je le sais pas. Je ne sais pas d'où viennent mes idées, puis à quel moment elles arrivent non plus. Mais je vais te poser une question supplémentaire. Oui. Est-ce que tu trouves que le lien des grands-parents aux petits-enfants se fait pas assez aisément? Est-ce qu'il y a quelque chose là, parce que tu encourages quand même ce rapport-là? Bien, je pense que ça dépend aussi de chaque famille. Il y en a qui ont un lien très étroit. Par contre... pour l'avoir vu un peu, à un certain moment, il y a des personnes âgées qui sont vraiment seules dans des maisons de retraite. Et c'est ce qui est nommé dans cette histoire-là. À un certain moment, on nomme à Justin chacun des personnages, puis on dit, celui-là, ses enfants habitent loin, ils viennent le voir une fois par année. Un autre, elle a personne pour aller faire ses courses, etc. Donc, c'est une réalité, là, vraiment. Puis oui, je trouvais que c'était important dans une histoire que les enfants aient conscience de cette réalité-là de nos jours. Parce qu'avant, c'est ça, les personnes âgées étaient beaucoup plus proches des familles. Donc souvent, le grand-père, la grand-mère habitaient avec les parents pendant de nombreuses années. Maintenant, et gardaient les enfants. Oui. Moi, j'ai un souvenir de grand-mère très présente pendant que mes parents travaillaient. Oui, c'est ça. Donc maintenant, c'est plus autant le cas. Mais comme je disais, il y a certaines familles où c'est encore comme ça. Ouais. As-tu d'autres projets pour Justin? Parce que, il me semble, c'est comme un terrain de jeu fertile. Ben oui, j'ai plein d'idées. C'est certain qu'il va y avoir un troisième. J'ai pas commencé à l'écrire, mais je sais déjà que ça va se passer à l'école de Justin. Donc, la gang va débarquer dans son école un matin alors qu'il ne s'y attendra pas. Mais c'est pas écrit encore. Et je suis allée dans une école de Shawinigan dernièrement pour faire une animation sur ma série. Et j'ai demandé aux élèves de m'aider à créer un nouveau personnage. Donc là, j'ai deux classes avec qui j'ai travaillé pour trouver des idées. Et je leur ai dit que j'allais choisir soit la classe du matin ou la classe de l'après-midi, leur personnage. Donc, ils m'ont trouvé des traits physiques, des traits de caractère, tout ça. Puis, c'est ça. Je leur ai dit que j'allais leur donner un petit remerciement dans mon livre. Ils étaient bien excités. Donc, ça vaut la peine de t'inviter pour faire de l'animation scolaire. Hein? Oui. Raison de plus de t'inviter. Oui, donc c'est ça. Il va en avoir un troisième, puis si ça va bien, peut-être un quatrième, je sais pas. Toi, maintenant, tu fais, parce que tu étais enseignante, est-ce que tu enseignes encore? J'enseigne au préscolaire, mais j'ai pas de classe à moi. Je veux pas avoir de classe à moi, parce que si j'avais ça, j'aurais pas le temps d'écrire, j'aurais pas l'énergie. Donc, je fais des partages de tâches avec d'autres enseignantes. Et cette année, c'est ça, j'ai un gros contrat, donc j'ai pas beaucoup de temps. Mais l'an prochain, je veux commencer à faire plus d'animation dans les écoles. J'en ai fait ici à Québec, à Beauport, en secondaire 2. Puis un petit peu au primaire, mais cette année, c'est ça, j'ai vraiment pas beaucoup de temps. OK. Oui. L'entrevue tire à sa fin. Ouh, déjà! Déjà, ça passe bien, je sais. Donc, moi qui avais peur de ne pas avoir assez de choses à dire. Hein? T'as toujours plein de choses à dire et c'est super intéressant. Si on veut continuer de parler avec toi de tes livres, on peut te voir à partir de 13h au kiosque de Québec-Amérique. Oui, dans 10 minutes. Dans 10 minutes, t'as plein d'autres séances de signature aussi. Oui, je vais chez Luzerne Rousse à 18h30 tout à l'heure, puis encore demain, puis dimanche. Oui, parce qu'en fait, toi, t'es auteur dans différentes maisons d'édition. Là, si on veut faire un petit tour d'horizon de deux livres... deux. Mettons, on a parlé de trois livres de Justin et Marie Coleman, il y en a deux. Et sinon aussi, tu vas participer à un événement, en fait, Rencontre et Confidences, donc tu vas être interviewé dimanche matin à 11h30 sur la scène Espace Jeunesse. Oui. Donc, on va pouvoir te voir là aussi. Oui, si on je pense qu'on va faire tirer un livre pour les participants. Oh, en plus! Ouais. Fait que soyez là, soyez présents. Merci beaucoup, Sandra Dussault. Ça m'a fait grand plaisir. Merci de l'invitation. Toujours à l'écoute de la sortie culturelle au Salon du Livre. Vous êtes avec Barbe Rank et je suis en compagnie de Dave Noël. Bonjour, Monsieur Noël. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Merci. Vous avez écrit l'essai Montcalm, général américain, où vous prenez la défense de Montcalm. Je suis pas consciente. Moi, j'avais fait un cours de guide touristique ici. Effectivement, on mettait beaucoup la faute, la défaite de 1759 sur le dos de Montcalm. Et vous faites le ménage dans ces idées reçues-là. Oui, en fait, Montcalm, on avait un portrait de lui qui était très caricatural. Ça fait pas très longtemps, en fait. Ça fait une soixantaine d'années qu'on dépeint Montcalm comme un général incompétent. Ah, c'était pas comme ça avant? En fait, on a un quartier Montcalm à Québec, on a un palais Montcalm, il y a des rues Montcalm, il y a une raison pour ça, c'est des statues Montcalm. C'est parce que Montcalm, entre sa mort et les années, même 1950, il y a eu des périodes plus sombres, mais c'est un personnage qui était très populaire. On faisait un peu l'équivalent de Champlain. On avait Champlain, le fondateur, okay. et Montcalm qui fermait un peu l'histoire du régime français. Et puis, soudainement, dans les années 1950, avec l'ouvrage de Guy Frégaud, un historien qui a un peu repris l'histoire à sa manière et qui a dépeint Montcalm comme vraiment le bouc émissaire responsable de la défaite, sans qui la Nouvelle-France aurait pu se maintenir. Donc, c'est vraiment à partir de 1955, c'est vraiment la coupure est vraiment nette. Et par la suite, les historiens qui ont repris la période se sont pas beaucoup intéressés, pas tellement aux écrits, ils sont pas beaucoup revenus au journal, à la correspondance. Ils ont repris Frégaud et puis c'est devenu un dogme, carrément. C'est dans le cadre de votre travail comme historien, j'imagine que vous vous êtes intéressé à cette question, à la question de Montcalm, et vous en parlez comme général américain, parce qu'évidemment, c'était un général français. Oui, c'est ça, en fait, c'est vraiment un titre qui se voulait un peu provocateur. Ben oui. C'est qu'on a tellement dépeint Montcalm comme un européocentriste, un général qui était incapable de s'adapter au théâtre américain, qu'on le dépeint comme un général américain, c'était choquant. Et d'ailleurs, même sur les réseaux sociaux, quand le titre est sorti, l'annonce du livre, il y avait des réactions assez senties. Oui, c'est comme parce si que ça... Moi, je trouvais ça cohérent, parce que je savais aussi que c'était lui quand même qui travaillait avec... Il avait des Premières Nations avec lui. Oui. L'argument que les historiens avançaient, c'est que si on a eu une si grande défaite sur les plaines d'Abraham, c'est que Montcalm n'avait pas su utiliser... les miliciens canadiens, les guerriers autochtones de la bonne façon. Donc, il avait un peu bousillé, entre guillemets, le potentiel militaire exceptionnel de ces combattants-là, irréguliers, entre guillemets. Donc, c'est pour ça qu'on le dépeignait vraiment comme un aristocrate débarqué de Versailles, qui se faisait porter au-dessus des rivières, qui avait toujours la perruque poudrée, la totale. Et puis, en fait, non, quand on regarde les écrits de l'époque, ça ne correspond pas du tout à l'image, à ce que Montcalm était, c'est-à-dire, un aristocrate, comme tous les officiers de grade élevé, évidemment, mais un aristocrate de la petite noblesse du Languedoc, du sud de la France, qui avait gagné ses grades sur les champs de bataille. C'est un général qui est allé sur le terrain en Europe. Expérimenté. D'ailleurs, quand on a découvert son crâne dans les années 1830, il y avait encore des marques, des coups de sable qu'il avait reçus sur la tête à la bataille de Plaisance, qui portait très mal son nom. L'élément important, c'est qu'on a beaucoup dépeint la tactique militaire sur le plan continental. En Amérique, on se bat à l'américaine, en Europe, on se bat à l'européenne, et puis c'est tout. Alors que c'est pas vraiment le cas. La petite guerre était pratiquée en Europe à une autre échelle, mais les principes étaient les mêmes. Il y a des différences importantes, mais Montcalm, dès que sa première campagne, il s'adapte au fait qu'il n'y a pas de cavalerie, mais il y a les guerriers autochtones qui sont les éclaireurs qui font office de cavalerie dans les forêts. Et puis, c'est ça, c'est vraiment... Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'exemples de batailles au 18e siècle dans l'histoire du Québec. C'est assez concentré, des grandes batailles comme ça. Donc, il n'y a pas eu de spécialisation qui s'est développée suffisamment, j'ai l'impression, pour qu'on puisse démêler tout ça. Et c'est pour ça qu'on en a fait vraiment... Et aussi, un élément important, c'est que, ça permet de caricaturer des généraux, ça permet de simplifier l'explication des batailles. Donc, parce que la bataille des plaines d'Abraham est une bataille très complexe, il se passe beaucoup de choses. Pas juste sur les plaines, ça commence à Beauport, à Cap-Rouge. C'est vraiment une bataille très complexe. Et puis, dire que Montcalm ne savait pas se battre, c'est le classique. On voit ça dans d'autres histoires nationales aussi. On arrive au point où il faudrait parler du gouverneur général Vaudreuil. Oui. D'ailleurs, qu'on voit beaucoup moins dans les noms de rues ou de quartiers. Oui. Il y a peut-être des raisons à ça. Oui, tout à fait. En fait, Vaudreuil, c'est on l'a un peu défini comme l'alter ego de Montcalm, mais c'était le gouverneur de la Nouvelle-France, donc il est au-dessus de Montcalm, c'est le responsable des opérations. Ouais. Et puis lui, c'est lui qui donne les ordres à Montcalm, va à tel endroit avec tel homme, va te battre pour comme ça. Et puis, Vaudreuil était canadien, donc lui, on a présumé qu'il savait se battre à la canadienne. Donc c'est ça. Mais le problème de Vaudreuil, c'est qu'il n'a pas eu l'occasion de se battre sur les champs de bataille. Sa carrière militaire à partir de l'adolescence, parce qu'à l'époque, on commençait dans l'armée très jeune. Ouais. C'est déroulé pendant une longue période de paix. Donc, il n'a pratiquement jamais combattu avant de devenir gouverneur et donc responsable des armées. Ce qui fait que ce n'est pas un personnage qui est facilement, héroïsable. C'est difficile de le mettre sur un piédestal parce qu'il n'a pas vraiment combattu. Et puis, le seul moment où il a commandé en chef, à la mort de Montcalm, vraiment sur le terrain, ça s'est très mal déroulé. Donc, c'est difficile d'en faire un héros. Donc, les gens qui voulaient dénoncer Montcalm préféraient plutôt Lévis, qui était le second de Montcalm. Et puis Vaudreuil, lui, il est... Bien, surtout que Lévis a gagné la bataille après... Oui, Lévis, Lévis qui a eu un parcours, il s'est toujours retrouvé au bon endroit au bon moment. Ouais. Juste avant la bataille des Plaines, il est envoyé à Montréal, donc il n'a pas l'odieux de se retrouver dans ce guet-apens. Et puis après ça, en 1760, il livre une bataille dans des circonstances exceptionnelles pour l'armée française. Et puis après ça, la guerre se termine, donc on a jugé Lévis sur une seule bataille, comme on a jugé Montcalm sur une seule bataille, sauf que dans un cas, on a une défaite versus une victoire, donc on est resté là-dessus. Mais en fait, la question devrait plutôt être: qu'est-ce que Lévis aurait pu faire vraiment sur les plaines d'Abraham, et est-ce que Montcalm, lui, n'aurait pas aussi gagné la bataille de Sainte-Foy? Donc c'est ça aussi. Il y a aussi la question: est-ce que Vaudreuil aurait pu faire autre choix au départ? En tout cas, moi, je l'ai lu comme ça, où on aurait peut-être eu un... Et en même temps, moi, je me pose la question, sachant que c'est pas nécessairement une bataille qui fait perdre une guerre. Est-ce que ça aurait changé quelque chose? Oui. On en dit beaucoup ça maintenant, que la bataille des Plaines, parce qu'on l'a tellement mis de l'avant. Que, mais les historiens, beaucoup, des fois, revenir sur des éléments qui sont trop établis. Mais donc, on va dire que la bataille des Plaines, c'était rien, c'est 15 minutes, c'est ridicule. En fait, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant la guerre de la conquête, qui dure 5 ans, on peut dire, chaque bataille, chaque défaite du côté français peut être fatale. Tandis que les Britanniques, comme ils ont beaucoup de ressources, ils peuvent revenir constamment de l'avant. Et puis, eux, ils peuvent se permettre des défaites, mais pas le côté français. Donc, la bataille des Plaines porte un coup fatal. Et c'est une bataille, une défaite que l'armée française ne pouvait pas se permettre. Donc, ça précipite la chute. Ouais. Mais évidemment, avec le recul, on peut dire que oui, ça... ça serait quand même, la colonie aurait été conquise tout de même, un peu plus tard, mais ça, c'est, évidemment, on est dans la spéculation. Est-ce qu'on peut vous rencontrer? Bon, ça a paru chez Boréal. Est-ce qu'on peut vous rencontrer au salon oui. Et quand? Dans le fond, j'y suis ce soir. Je crois que c'est à 18h. Juste vérifier, oui. De 18 à 19h ce soir, vendredi. Chez Boréal, donc chez des médias. Ouais, et dimanche, de 13h à 14h. Merci d'être venu, M. Noël. Merci. Et un grand merci pour ce livre qui est vraiment fort intéressant. Merci. Merci. Au revoir. Sortie culturelle. Vous aimez les romans historiques, alors que vos amis préfèrent la science-fiction et d'autres ne jurent que par les essais et la littérature québécoise? Venez rencontrer vos auteurs préférés. Sous la présidence d'honneur de Yasmina Kadra, ils sont plus de 1200 et vous invitent au Centre des congrès de Québec. Le Salon international du livre de Québec, du 10 au 14 avril. Ici Raymond Poirier. Le samedi 13 et le dimanche 14 avril, la vie en BD se met en mode sortie culturelle en direct du Festival Québec BD. Au menu, des rencontres avec plusieurs des invités de marque de l'événement. Pierre Allary, Sylvie Rancourt, Émilie Plateau, Abdel de Bruxelles, Luke McGarry et plus. Rendez-vous dès 13h30, les 13 et 14 avril, en direct du Centre des congrès de Québec et sur CKRL 89.1. Première Ovation présente les artistes émergents de Québec. La mesure est fière d'intégrer un nouveau volet qui offre un soutien à la relève du milieu du cinéma de la Ville de Québec et de Wendake. Artistes émergents, vous avez jusqu'au 1er mai 2019 pour déposer un projet dans les programmes de mentorat et de fonds de soutien aux initiatives de la relève en cinéma. Tous les détails sur premièreovation.com. Tu aimerais améliorer ton français écrit? Apprendre à lire? Prendre part à une création théâtrale? Suivre des ateliers d'initiation à Internet, iPad, Facebook, Excel ou Android? Réintégrer le marché du travail si tu es prestataire du programme d'aide sociale? Participer à des ateliers de francisation? Le cœur à lire. Pas de gêne, pas de stress. 418-841-1042. Record Store Day au Knockout. le samedi 13 avril dès 9h et jusqu'à 21h. Rabais, prestations, bouffe, exclusivité du Record Store Day, dont l'album d'Hubert Lenoir et de Tire le Coyote. On knock out. Prestations en journée, Juste Robert, The Blaze Voluto Collection et Fuck Tout. Record Store Day, on knock out. Aucune réservation. Présentez-vous tôt au 832 Saint-Joseph-Est. Détails sur la page Facebook du Knock Out. À découvrir ce printemps au Palais Montcalm, Maison de la musique. Le 12 avril, celui qui a remporté le prix Juno de l'album blues de l'année avec Miles to Go, Colin James. Le 26 avril, la voix chaude et le jeu de piano assuré de Sarah McKenzie, jeune artiste australienne qui n'a rien à envier à Diana Krall et Blossom Derry. Et le 27 avril, le retour à Québec de Rémi Bolduc et de son ensemble avec un programme dédié au grand jazzman Thelonious Monk. Découvrez la programmation complète au palaismontcalm.ca. Le Palais Montcalm, la musique à son meilleur. Sortie culturelle. Les Bouquins d'abord vous présentent Sortie culturelle au Salon international du livre de Québec. Bienvenue à Sortie culturelle en direct du Salon du livre de Québec. Je suis accompagnée en ce moment de Jean Desi. Bonjour. Allô. Donc, vous êtes plein de choses, hein? vous êtes auteur, vous êtes poète, vous êtes médecin aussi. Et avec Être et n'être pas, c'est un livre où est-ce que vous racontez, en fait, c'est votre journal de bord un peu de toutes vos expériences que vous avez vécues dans le Nord. Mon expérience du Nord à Saluit, okay. Parce que je vais dans le Nord depuis 30 ans. J'écris beaucoup, beaucoup. Depuis 90, vous allez dans le Nord. Depuis 90, puis sans le Nord, sans le Grand Nord, sans le monde inuit, mon œuvre poétique en particulier serait nulle, à peu près. Toute mon inspiration vient du Nord, mais être et n'être pas, c'est 4 années de pratique médicale et de voyage vers Saluit exclusivement. Donc, c'est à la base des textes que vous écriviez pour vous? Oui, mais en plus de la vérité aussi, c'est que moi, j'écris jamais pour moi dans un journal. J'écris toujours à des amis, à des amis eux. OK. Puis là, j'écris sur Facebook, sur courriel. En fait, ces textes-là sont, au point de départ, des textes envoyés. Des fois, j'écris 10 lettres par jour, 6. Quand je voyage beaucoup, moi, j'écris à des amis. Okay. Ma fille, Marie, okay. C'est que la substance même du matériel vient de l'être. Et pas d'un journal intime. Mais parfois, j'écris dans un journal intime. Mais en général, dans ma vie, depuis 30 ans, quand j'ai voyagé, j'ai écrit des lettres aux autres. OK, c'est intéressant à savoir. Je savais pas cette information-là. Qu'est-ce qui vous a donné envie de les regrouper pour les publier? Ben, en fait, peut-être que ça n'aurait pas été publié si l'éditeur, si Arnaud, ce grand boss d'HMH, ne m'avait pas encouragé. J'avais publié quelques extraits dans les revues, dont les écrits de ce journal de Saluit. Mais à ce moment-ci, il y a une vogue et une vague nordiste, un intérêt nordiste majeur au Québec, dans le Québec du Sud, dans le Québec des rives du Saint-Laurent, ce qui est absolument important, là, un intérêt vis-à-vis de l'autochtonie. Je l'ai écrit aussi parce que je vieillis. Ça fait 40 ans que je pratique, 41 ans. Ça fait 30 ans que je vais dans le Nord. Et là, la situation sociologique au Nunavik en particulier est assez dramatique. Et le taux de suicide est 7 à 10 fois supérieur au Sud. Il y a beaucoup, beaucoup de problèmes sociaux, mais j'ai surtout pas envie de dire que seulement des problèmes sociaux, mais d'un point de vue sociologique, quand on pratique au Nord, qu'on soit médecin, infirmière, travailleur social, qu'on soit policier, c'est fou comment on fait face à une grande, grande crise actuelle. Qui ne durera pas toujours, je suis persuadé. Mais j'ai, pour répondre à votre question, j'ai voulu publier comme un aîné, comme un elder, comme on dit chez les Autochtones, doit dire avec le plus d'amour et le plus de respect possible, parce que je suis bien conscient que je ne suis pas Inuit, mais j'aime le Nunavik profondément, j'aime les Inuits et j'ai aimé le Grand Nord plus que tous les autres pays de ma vie. C'est que j'avais envie d'écrire sur une situation considérant qu'à partir de maintenant, la solution est d'ordre politique, à mon point de vue, d'ordre sociologique, en santé communautaire. C'est un problème de santé communautaire beaucoup plus qu'autre chose qui se passe au Grand Nord. Donc, on sait, vous l'avez dit d'ailleurs, que le taux de suicide est beaucoup plus élevé dans le Nord que dans le Sud. Est-ce que vous voyez une différence entre 1990 et maintenant? Oui, évident. Moi, je la vois, puis à peu près tout. tous mes collègues, tous les gens du Nord, quels qu'ils soient, pourraient dire que depuis 30 ans, en fait, c'est surtout depuis 15-20 ans que la situation s'est détériorée. Et dans le texte, dans l'essai, j'ose proposer certains éléments qui me semblent être des perturbateurs de vie sociale. Par exemple? Le web, l'accès infini et perpétuel dans tous les villages, même les villages de 400 personnes, au Wi-Fi et à la toile. À mon sens, c'est à la fois quelque chose d'extraordinaire. Hein, le Nunavik, les villages isolés du Grand Nord québécois qui sont à 3000 km sont associés à la planète. Le problème, c'est qu'il y a des limites à être dans cet état d'agitation. Je fais juste une parenthèse. Il y a une de mes étudiantes en médecine qui m'écrivait pour dire, Jean, qu'est-ce qui se passe? Le taux de suicide chez les enfants augmente de façon exponentielle au Québec sudiste. Je pense, moi, que la toile, l'accès aux écrans est un problème autant qu'une extraordinaire chose. Il faut considérer ça d'un point de vue santé publique. Je dis ça parce que ça me permet de ne pas me mettre trop d'emphase sur les seules difficultés du Grand Nord. C'est comme une exagération des difficultés qui existent ailleurs. C'est que l'état suicidaire nordique est comme une exagération d'un état suicidaire sudiste qui est là, en filigrane, qui a plus de présence que jamais, dont il faut s'occuper. Mais je pense que la toile, le fait d'être autant sur les réseaux sociaux, de faire autant de jeux vidéo, est un perturbateur psychique majeur. Dans le Nord, c'est des villages qui sont très isolés. Vous êtes quand même assez privilégié, vous êtes allé dans le Nord. Pour la plupart des gens qui nous écoutent, j'imagine que ça n'a pas été possible. Moi, j'ai jamais allé dans le Nord. Quand on parle de communautés isolées, c'est des communautés à peu près combien de personnes, à combien de distance l'une de l'autre? En fait, considérer qu'il y a 14 villages inuits, de la baie du Tson à la baie d'Ongava, c'est 30 % du territoire québécois. Il y a à peu près 20 % du territoire qui est totalement de la toundra. Et il y a 15 000 Inuits répartis dans ces 14 villages-là. Et il y a deux chefs-lieux, Kujuak, au sud de la baie d'Ongava, où il y a un hôpital. Et il y a Pouvounitouk, où il y a à peu près 1600 personnes. À peu près, ça varie beaucoup parce que la démographie est extraordinairement importante. Donc, 15 000 personnes, 15 000 Inuits, il y a quelques centaines de non-autochtones aussi, répartis dans tout le Nunavik. 25 à 30 % du territoire québécois total, imaginez. Donc, c'est d'immenses distances entre chacun des villages. Et il y a des villages où il y a 400 personnes. Il n'y a pas de route entre les villages. Non, c'est à considérer, c'est important. Ça augmente aussi l'état d'isolement et de fatigue mentale et de détresse, le fait de ne pas avoir de lien. Comme moi, j'ai travaillé depuis toute ma vie, depuis 35 ans chez les CRI, et actuellement dans le mont CRI, où il y a des milliers de kilomètres de routes de bois et de routes, on peut aller partout jusqu'à Chicxulub en auto. Bien, ça contribue à améliorer l'état d'être. À 17 ans, si on ne se sent pas bien, on peut partir sur le pouce de Chicxulub et se rendre à Ottawa. On ne peut pas faire ça si on est au Nunavik. Non. Pour accompagner vos textes, il y a aussi une auteure autochtone qu'on découvre, en fait, Niap, qui a fait aussi l'illustration de la couverture. C'est ça, à la fin, c'est des textes qui ont été écrits dans un autre contexte qu'elle avait écrit. C'est des lettres où elle s'adresse, mettons, j'ai écrit une lettre aux aînés, des lettres de ce type-là, qu'elle a écrit pas du tout dans un but d'être dans le livre « Être et n'être pas », mais qui viennent bien compléter le livre. C'est un beau compliment. C'est un compliment que vous faites particulièrement à l'éditrice, Myriam Caron, qui a pris à cœur le livre chez XYZ, et c'est elle qui a trouvé l'illustratrice. Mais pas par hasard, les Inuits s'écrivent, cette jeune femme-là, qui est remarquable, qui, dans la trentaine, avait écrit des lettres à des jeunes, à des aînés, à des résilients. Et c'est un beau compliment de dire, tiens, en finale, en postface, il y a des textes traduits en français, excellents, où là, il y a une Inuit qui vient dire, ben, chers amis Inuits, ne lâchons pas. Non, puis l'avenir est entre nos mains. Je suis convaincu, je ne dis pas ça pour faire le smart, il y a tout un avenir Inuit. Mais dans cette souffrance actuelle, puis après ça, ben, pour toutes sortes de raisons, parce que la population est très jeune, puis on est face aussi à une civilisation de résilients. Donc, moi, je pense que ça vaut la peine de noter qu'il y a quand même une part Inuit dans cet essai-là. Oui. Et ça, je trouve que c'est majeur à ce moment-ci pour toutes sortes de raisons. Ah, c'est vraiment un super bel ajout. Puis ça amène aussi... Parce que des fois, c'est ça, vous êtes blanc. Donc, c'est sûr que... Ouais, on est d'accord qu'on ne l'est pas. C'est étonnant les mots. Hein? Est-ce que je suis blanc? Est-ce que je suis canadien? Mais n'empêche que vous n'êtes pas Inuit. On va s'entendre là-dessus. Ouais. Et c'est ça, des fois, d'aller chercher justement la personne Inuit qui... Ça vient comme, je sais pas, enrobé un peu. Il faut aller vite, là, mais hier, moi, je participais à une soirée de poésie pour l'ouverture d'un sentier de la parole à Bishop, à Lennoxville, et j'étais le seul Canadien parmi 12 autochtones. Il y avait des Wendat, il y avait une Inuit, une jeune Inuit de Kwartak qui jouait du ukulélé en s'accompagnant en chantant Nirritstout. On est dans un moment civilisationnel, culturel au Québec, dans notre quête identitaire, où de fusionner les cultures, pas oublier que le monde Inuit fait partie du Québec pour l'instant, géographiquement, politiquement, économiquement. C'est pas, moi, je trouve que c'est un cadeau dont on doit prendre compte et réaliser que l'Inuktitut est une langue vivante, parlée par 15 000 personnes. Mais je pense, moi, que quelque part, si moi, je contribue à dire, waouh, l'Inuktitut est une langue de chez nous, et qu'il n'y a pas juste le hongrois est super, je veux dire, l'allemand aussi, mais il y a des langues autochtones, l'inou, là, avec Joséphine Bacon, là, qui écrit en inou et en français. C'est absolument essentiel culturellement et littérairement que tout à coup, le Québec s'ouvre à toutes ces cultures qui sont issues du pays. Puis là, moi, j'oserais dire, cessons de se demander si tu es la première nation ou la troisième nation. Est-ce que je suis un blanc? Moi, là, ce qui s'est passé en 1912, je m'en sacque pas. J'ai conscience de l'histoire, mais moi, je suis en 2019, là. Tout à fait. Les Inuits ont 20 ans, puis les Inuits, la démographie, je veux dire, l'âge, y a la moitié des Inuits en bas de 20 ans. Je pense qu'il faut vraiment considérer l'avenir. Oui. Je finirai en disant aussi que la langue Inuit est une langue extraordinairement francophile. C'est que juste le mot Ramoutik pour dire traîneau ou Inukshuk, moi, plus ça va, plus j'incorpore des mots Inuit dans mes textes. Il y a un lexique d'ailleurs à la fin. Parce que l'Inuktitut peut nourrir la langue québécoise. Et c'est pas nécessaire d'avoir seulement des mots en anglais qui s'ajoutent à la langue québécoise. L'Inu, le cri, le Wendat, en tout cas, c'est un élément fondamental très positif qui se passe actuellement. Discussion très intéressante que je dois écourter. Donc, vous êtes en séance de signature ce soir au kiosque. Oh, vous n'êtes même pas pour ce livre-là, par contre, vous êtes pour Lim à la Moon, parce que vous sortez trois livres. Oui, trois. Donc, oui, c'est ça, dans le fond, c'est en séance de signature demain pour celui-là. Donc, ce soir, de 18 à 19 heures, au stand 270. Merci beaucoup, Jean-Lézy. C'est moi, c'était vraiment... Donc, être et n'être pas. Merci mille fois. Brinque au microphone, en sortie culturelle au Salon du Livre. Devant la porte intérieure, il y a une accalmie, c'est bien calme. Je suis en compagnie de Jonathan Livernois. Bonjour. Professeur de littérature à l'Université Laval. Bienvenue à l'émission. Merci beaucoup. Vous avez écrit La Révolution dans l'ordre, une histoire du duplessisme, où, encore une fois, vous y allez contre les idées reçues. Le monstre qui est... Duplessis. Oui. Donc, les portraits sont contrastés. Hein. C'est sûr que depuis les années 60, il y a un récit anti-Duplessis très, très fort avec la Révolution tranquille, très clairement, qui a été battu en brèche depuis, disons, une quinzaine d'années par un retour des sciences sociales qui ont voulu, en quelque sorte, relativiser l'idée de la grande noirceur. Finalement, il y a eu beaucoup d'excès d'un côté comme de l'autre. Sans vouloir jouer les rois Salomon, j'ai quand même voulu essayer départagé, en quelque sorte, dans ce portrait. Donc, de jamais occulter les côtés les plus négatifs du régime, mais en même temps, voyant comment ça a pu s'entraîner un semblant de modernité au Québec. Moi, à part des préjugés, je me suis rendu compte en lisant ça, à part des préjugés, j'avais pas vraiment de connaissances. Et là, dans le fond, ce que vous écrivez là, c'est quand même... C'est une biographie aussi, d'une certaine manière. Oui, vous avez une thèse, mais... Oui, c'est, je vous dirais plus que c'est une biographie du Duplessis, c'est-à-dire le courant. Duplessis, évidemment, très présent, hein, c'est le cœur même, mais c'est un système qui le dépasse, en quelque sorte. Qui explique... En fait, la question initiale est simple. Qui est presque sur un retour, ce temps-ci, aussi. Ben, oui, c'est ça. Bon, ben, je m'amuse un peu à la fin. Avant l'élection de François Legault, je remarquais certaines correspondances entre les deux. Pas tant programme, mais manière de faire. Oui. notamment sur la façon de se présenter comme le parti au-dessus des partis. Alors, c'est pas tant dans le contenu que dans la manière. Mais même, on pourrait en parler, oui, pour la mairie de bien Québec, où, hein, c'est l'équipe, la bombe. Là. Oui, oui, c'est, oui. C'est dans la même... C'est sûr que l'image du héros canadien-français a toujours été, pas seulement au Québec, mais évidemment, mais au Québec, ça a toujours été très fort. On a eu Henri Bourassa, André Laurendeau, René Lévesque plus récemment, Lucien Bouchard est peut-être le dernier à l'avoir bien incarné. Toute proportion gardée, mais tout ça pour dire qu'effectivement, Duplessis représentait son propre régime, était très puissant et a été reconnu comme tel. Et d'une très grande longévité, oui, aussi. Mais il y a ça aussi, il y a quoi, 18 ans au... 18 ans au pouvoir, c'est au le pouvoir. Plus long, ce sont les plus longs, c'est le plus long règne, en fait, on peut le dire comme ça. Ben, Duplessis, effectivement, c'était la question initiale, on a beau expliquer le Duplessis de différentes manières, parler d'une sorte de... d'une série, en fait, de fraudes électorales, de malversations, mais dans les faits, les gens ont quand même voté pour Duplessis. Je dis pas que c'était des scores irakiens ou soviétiques. Mais ça ne peut pas dans le système de vote qu'on a, de toute manière. Non. Et puis, même une fois, il y a eu moins de votes, mais a su compter sur les comtés ruraux. Hein, donc, d'ailleurs, j'essaie d'expliquer dans le livre pourquoi Duplessis... Oui, il y a une question d'idéologie proche, donc, des milieux ruraux, mais en même temps, on comprend très bien qu'il y a une question démographique et de petits comtés qu'on peut aller chercher facilement, qui ont le même poids que des comtés où il y a 100 000 personnes à Montréal. Vous voyez? Donc, c'est ça aussi, Duplessis a réussi donc à manœuvrer. Mais la question est la même. Pourquoi Duplessis 5 mandats? Ouais. La question est très difficile. Donc, c'est ce que j'essaie de comprendre et montrer dans le livre. Et c'est quoi votre... votre idée, pourquoi c'est arrivé comme ça? Bien, c'est l'aspect peut-être plus essayistique là, du texte. Au fond, l'idée, c'est de voir le duplessisme, le phénomène du duplessisme comme quelque chose de circulaire, en fait, qui va juxtaposer des temps. C'est-à-dire qu'il à la fois va être capable de dire, ben voilà, nous sommes de plein pied dans la modernité, nous encourageons l'agriculture, le développement de l'agriculture, les tracteurs, tout ça, les industries. Mais en même temps, nous vous proposons une sorte de sécurité. Les changements vont se faire dans l'ordre, tranquillement, sans que vous en rendiez compte véritablement. Ça ne sera pas violent. Ouais. D'où le titre aussi. Ça, les Québécois aiment bien ça. Ben, voilà, hein? Ça, c'était un peu l'hypothèse, c'est de dire, voilà, Duplessis et tout son système repose là-dessus. Mm-hmm. Je donne des exemples dans le livre, un que j'aime beaucoup, ce sont des dépliants électoraux. Duplessis en a fait beaucoup. Ouais. Notamment sur les agriculteurs. On passe d'une page à l'autre, on constate qu'une page, on a un agriculteur avec qui fume la pipe. La photo aurait pu être prise en 1880. Page suivante, on a, tout à coup, la machinerie lourde, nouvelle, moderne. Ouais. Voilà la juxtaposition des temps chez Duplessis, chez le duplessisme, mais voilà pourquoi c'est si réconfortant. Et ça a quand même culminé aussi dans la Révolution tranquille, qui, elle encore, est une révolution qui n'a pas lieu, d'une certaine manière. Ben, c'était un clin d'œil aussi à la Révolution tranquille, le titre. Ouais. L'expression « La Révolution dans l'ordre » est de Daniel Johnson, qui est à l'époque un jeune député qui va devenir ministre de Duplessis, plus tard premier ministre. Il dit clairement « Le duplessisme, vous savez, c'est la Révolution dans l'ordre ». Alors, difficile de ne pas penser à la Révolution tranquille. Mais quelle ironie! Ironie! C'est ça, donc on n'a jamais de révolution. Comme si le Québec voulait éviter toutes les violences, non pas physiques, là, évidemment, on n'espère pas une telle chose, mais les violences psychologiques, les violences, les ruptures, les révolutions. La politique du consensus. Exactement, c'est ça. Donc, la politique qui va enfin rompre. Oui. Mais non. Donc, les révolutions se font comme ça. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, que vous dépeigniez aussi l'homme privé qu'était Maurice Duplessis, parce que là, on voit très bien qu'il n'y a pas de noir et blanc. Hein? Non. Il semble être quelqu'un d'une très grande culture, et moi, tout ce que j'avais reçu, ça ne donnait pas cette impression-là. Ben, c'est-à-dire que Duplessis est un homme de son temps, d'un milieu conservateur de Trois-Rivières, qui fréquente le collège, qui fréquente l'université. Donc, on a le bagage culturel d'à peu près tous les étudiants des collèges classiques qui vont utiliser. D'ailleurs, ça, c'est intéressant, c'est de voir un peu le rapport aussi à la culture chez Duplessis, qu'on imagine, comme vous dites, comme une espèce de béotien. Certes, c'est pas un intellectuel, mais il collectionne les œuvres d'art, on le sait, une bonne partie qui est maintenant au Musée national des beaux-arts du Québec. Mais en même temps, c'est ça, il peut pas faire l'impasse sur la culture. Il demeure, malgré tout, marqué par certaines choses, doit défendre la littérature à certains égards. Et ça nous amène à comprendre que le milieu littéraire est partagé. Même dans les années 50. Ouais. Et, même Gaston Miron, en 1948, va être duplessiste. On constate donc. C'est fou, hein? Ouais, ben, et aujourd'hui, on ne l'associe pas du tout à ça. Ben, ça va changer chez lui. En 56, ouais. Il va prendre. Mais on ouais. voit quand même que c'est pas si net. Que des gens qui vont défendre Gracien Gilina à Montréal envoient des lettres à Duplessis. Duplessis va financer lui-même la construction de la Comédie canadienne ouais. à Montréal. Il y a tout ça. Donc, c'est ça que je vais vous montrer aussi, relativiser un peu cette image de Béossier. Moi, j'aurais une dernière question. Avez-vous déjà un autre projet? Parce que moi, je trouve que vous faites très bien ça, de nous mettre nos contradictions comme société aussi dans la face, parce que c'est ça ce que ça fait, là. Ben, oui, oui, plusieurs projets, mais j'en nomme un qui est en lien direct, c'est Gérald Godin. Je suis oui. en train de travailler une biographie intellectuelle de Gérald Godin, artistique et politique. Oui. Et je m'amuse à faire une espèce de traité en parlant d'un duplessisme de gauche. C'est-à-dire que je montre comment il y a certaines racines trifluviennes qui fonctionnent chez Godin et dans sa manière de faire de la politique. Évidemment, c'est oui. pas, on ne défend pas du tout les mêmes idées. Il y a des manières de faire qui rappellent la bonne vieille politique trifluvienne, même à la sauce moderne. Alors, je m'amuse beaucoup ces temps-ci. C'est un projet à long terme. Ça va être chez Lux Éditeur dans quelques années. Ben, on a bien hâte de lire ça. Vous êtes au Salon du Livre. On peut vous rencontrer à quel moment? Ben, on peut me voir donc samedi, demain, de 18h à 19h30. La première demi-heure, c'est une conférence. Chez avec... Boréal, toujours, chez oui. des médias, en rentrant oui. à droite. Sauf à 18h, c'est une conférence que je donne avec mon collègue Alain Lavigne, une discussion sur la scène Radio-Canada. Et dimanche, je serai là de 15h à 16h, si je ne m'abuse. Merci, Jonathan Livernois. Merci beaucoup. On termine l'émission Sortie culturelle en direct du Salon du Livre avec des suggestions d'activités, évidemment. Il y a plein de choses à faire. Je me sens vraiment cruelle d'en faire juste quelques-unes. Mais de toute façon, vous pouvez tout trouver l'information au silq.ca. Donc, en ce moment, à la scène des rendez-vous littéraires, il y a la cérémonie de remise des prix des collégiens. Je ne sais pas si vous savez, Barbelle, mais le prix a été remis ce matin. Ah, tu le savais-tu? Oui, je l'ai vu passer, mais... Jean-Christophe Réel qui a gagné ça avec Ce qu'on respire sur Tatooine. Donc, c'est la cérémonie de remise des prix des collégiens en ce moment. Donc, si vous voulez aller voir ça, à la scène des rendez-vous littéraires. Sinon, Dominique Fortier, qui est l'auteur à l'honneur aujourd'hui, sera en entrevue aussi à la scène des rendez-vous littéraires à 16h. Dominique n'est pas beaucoup là, hein, quand même, au salon cette fois-ci. Elle a deux jours, je pense, oui. au salon cette année. Donc, c'est vraiment une occasion assez unique de la voir à Québec cette année. Sinon, qu'est-ce qu'il y a? Il y a plein d'autres tables des rencontres d'auteurs, des entrevues. Il y en a vraiment des tonnes et des tonnes. Ce soir, à 19h, il y a une discussion autour des milléniaux avec Thomas Saint-Pierre, avec lequel tu t'es entretenu en début... Mercredi, ouais. en début de salon. Et Alexandre Soublière, qu'on va recevoir en fin de semaine. Demain, donc, oui, pour la Maison-Mère. Donc, une discussion autour des milléniaux, ça risque d'être intéressant aussi, parce qu'on entend toujours parler des milléniaux. Et ces deux livres dont on a déjà parlé à l'émission aussi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, ça va être vraiment intéressant. Donc, je devrais être là à 19h. Sinon, aussi, je vous donne des activités pour demain matin, parce que... Pas être trop tard pour les nommer demain après-midi. Donc, demain matin, c'est sûr que samedi matin, il commence à y avoir beaucoup d'activités pour la jeunesse. Oui. C'est les grandes périodes pour le salon, donc les activités jeunesse, il y en a quelques-unes que je vous recommande. Il y a une activité à 11h30, une activité qui s'appelle « Je veux une plume », c'est un album jeunesse qui est sorti, et ils vont parler d'émotions. Puis ils vont faire vraiment participer les enfants, donc à l'espace jeunesse, on fait vraiment participer les enfants par rapport à leur émotion. J'en ai entendu parler un peu tantôt parce que c'est une formule aussi qui est offerte dans les écoles et ça va très bien fonctionner. J'ai aucun doute là-dessus. Aussi, dans la jeunesse, on va avoir « Je cuisine avec toi ». Hélène Norando, elle a sorti un livre, c'est ça, « Je cuisine avec toi ». Moi, je pensais que c'était un livre jeunesse de recettes et il n'y a aucune recette dans le livre. Ah! Aucune recette. Eh bien. Même pas une. Ça fait que c'est vraiment basé sur faire participer les enfants. Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est des initiés en 112 pages à la cuisine, au plaisir de cuisiner. C'est vraiment, c'est super intéressant. Donc, une activité, encore une fois, qu'elle va faire avec les enfants demain, qui va être très interactive. Si j'avais des enfants, je les amènerais. Donc, sinon, une autre activité intéressante demain, côté adulte, il va y avoir aussi à 11h30 une table ronde « Ces femmes inspirantes ». Donc, ça va être Martine Delvaux, Louise Portal et Dominique Fortier. Donc, Dominique Fortier, invité d'honneur aujourd'hui, qui vont parler, par contre, trois femmes inspirantes qui vont parler de femmes qui les inspirent aussi dans leur écriture, dans la vie en général, dans leur écriture. Donc, ça promet, ça va être une très belle activité. Moi, je pense tout de suite à nos invités de demain parce que ça compte notre petit marathon, on continue comme ça. Demain, on va recevoir André Jacques pour Les femmes aux yeux cernés, Daniel Goyette pour Sa main sur ma nuque. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu un roman d'amour, mais celui-là m'avait vraiment touchée. François Lévesque pour Neige rouge. René Bolduc va s'entretenir avec Alexandre Soublière pour La maison mère chez Boréal. Je vais rencontrer Jean-Guy Forget pour le livre After, qui est vraiment tout un exercice de langue. Toi, tu vas rencontrer Fanny Demeule pour Rouclair naturel, qu'on avait quand même beaucoup aimé. Oui, qu'on a fait une lecture croisée avec Marie-Hélène Beaujois. Et Chloé Zollmann va nous rejoindre pour s'entretenir avec Martine Delvaux, qui était sur une table ronde que tu viens de mentionner pour Thelma, Louise et moi. Comme toujours, on va vous livrer évidemment aussi les actualités. Aujourd'hui, un grand merci aux auteurs qui nous ont rejoignés, Mireille Gagné, Jean-Jacques Pelletier, Mélissa Véraud, Sandra Dussault, Dave Noël, Jean Désy, Jonathan Livernois. Quand on les enchaîne comme ça, c'est comme un collier de perles qui à l'infini. Un grand, grand, grand merci. Un grand merci à toi, Julie. Merci à Simon Roy à la mise en onde et à Mélanie Florent à la station. Restez à l'écoute. L'émission est suivie de Souvenirs Franco avec sous l'animation de Jason Duval. Les Boucans à bord vous ont présenté Sorties culturelles au Salon international du livre de Québec.